Nous sommes ici pour un temps indéterminé pour parler du luxe communal en rapport avec la quinzaine Louise Michel qui a lieu en ce moment sur Saint-Étienne et ses alentours. Nous sommes en train d'écouter le trio Abos et Chris et c'est le morceau qui s'appelle Risette. Et on va partir comme ça un petit peu en voyage à travers un voyage africain. De l'Égypte à l'Afrique du Sud, en passant par le Mali, la Guinée, etc. Pour un voyage luxueux. Nous avons aussi, ici dans le studio, apporté un peu de caviar, mais d'aubergine. C'est peut-être ça le luxe communal, c'est pas du caviar, c'est du caviar d'aubergine. Un peu de fromage, de pain, etc. Et on va vous parler donc de cette notion du luxe communal qui a été conçue pendant la Commune de Paris. Donc je vais vous faire un bref petit résumé de comment la Commune est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que cette notion promulguée, une fédération d'artistes très révolutionnaire. L'histoire de la Commune de Paris, c'est vraiment une courte histoire. Nous parlons de 72 jours, du 18 mars au 28 mai 1871. On dit pour la légende que Lénine dansera sous la neige au 73e jour de la Révolution russe. Dans un premier temps, il est important de recontextualiser cet événement pour mieux comprendre comment l'imaginaire communard a pu éclore en si peu de temps. Alors, le 2 décembre 1852, donc 19 ans avant la Commune, il y a Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, qui arrive sur le trône, et donc c'est le début du Deuxième Empire, du Second Empire. À la fin des années 1860, l'opposition républicaine devient de plus en plus importante et Napoléon III décide de lâcher du lest pour tenter d'apaiser la contestation. Il assouplit le contrôle de la presse, accepte certaines formes de grève et les réunions publiques. Les républicains remportent les élections législatives de 1869 à Paris. Parmi les républicains, il y a un large spectre qui va d'une branche révolutionnaire à des centristes sociodémocrates comme on pourrait les nommer aujourd'hui. Ce ce qui est important, c'est de noter qu'il y a à la fois les forces de police et la garde nationale. La garde nationale date de la Révolution française et c'est une sorte de, c'est une milice de citoyens qui a pour but de maintenir l'ordre. Mais ce n'est pas une force répressive professionnelle. Et les officiers sont élus par le peuple. C'est assez dingue d'arriver à penser ça. Après, en 2016, voilà, il y a une autre garde nationale qui a été créée, mais alors là, c'était pour autre chose. Et c'est pas du tout dans les mêmes façons. Les pauvres ont été repoussés dans les quartiers comme Montmartre ou Belleville. À l'été 1870, Napoléon III, voulant garder le leadership sur l'Europe, tout comme Bismarck, son adversaire, on va dire, le ministre prince allemand sur le trône. Le ministre président de la Prusse, l'empereur français convainc la Prusse de ne pas nommer un Hohenzollern, un prince allemand, sur le trône espagnol. Mais il tente d'humilier encore plus les Prussiens et lance en fin de compte la guerre dans ce pays. Assez vite, l'armée française est vaincue dans les villes comme Metz, Sedan. Le 4 septembre 1870, à Paris, à la suite d'une manifestation, les républicains proclament la République et établissent un gouvernement de défense nationale. Les plus révolutionnaires, qui ne siègent pas dans ce gouvernement, montent des comités de vigilance dans tous les arrondissements pour la défense de la patrie et de la République. Les républicains, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est vraiment des hommes de gauche. Il y a une volonté d'organiser le peuple et de profiter de la guerre afin d'établir une république sociale et démocratique. Paris subit un siège depuis le 19 septembre et pendant toute la durée de l'hiver. C'est la famine dans les quartiers. Pendant que les pauvres mangent des rats, les plus riches bourgeois mangent les animaux des zoos. De plus, les états-majors français ne font guère confiance à la garde nationale. Ils vont supprimer la solde de la garde nationale qui est souvent le seul revenu pour les familles les plus modestes. Et donc ça plaît pas beaucoup aux Parisiens qui commencent à vraiment être en colère contre l'État français. Les femmes sont très présentes dans les clubs politiques et elles s'engagent autant que les hommes. Le gouvernement entame des négociations avec Bismarck fin janvier en vue d'une capitulation et l'armistice est signé le 28 janvier au grand dam de la population parisienne. Les forts autour de Paris sont pris par les Prussiens et l'armée française est désarmée, mais ça n'est pas le cas de la garde nationale, qui est toujours en armes. Dans les élections qui suivent, orchestrées par Bismarck, il y a d'un côté une population campagnarde qui vote pour la paix et d'une façon réactionnaire, et d'un autre les citadins qui votent pour la continuation de la guerre et pour une république sociale. Adolphe Thiers prend la tête du gouvernement et disparaît du côté de Versailles et prend sous son aile des républicains modérés, des monarchistes et des bonapartistes, ce qui ne plaît pas beaucoup aux Parisiens révolutionnaires. Surtout que, donc, comme je disais, la solde des gardes nationaux est remise en cause et que c'est souvent la seule source de revenus pour eux et leurs familles et les familles les plus modestes. Les autorités militaires demandent à récupérer les 300 à 400 canons qui sont sur la butte de Montmartre et tentent de les récupérer en loose day. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Et donc c'est le début de l'insurrection qu'on nommera plus tard la Commune de Paris. J'ai retrouvé un article qui était assez intéressant. En fait, cet été, on a reparlé d'un personnage qui est plus ou moins lié à la Commune de Paris. Il s'agit de Mac Mahon. En fait, Mac Mahon a lui aussi proclamé une dissolution de l'Assemblée nationale en 1877. Et donc voilà, il y a pas mal de personnes de gauche qui ont cherché à avoir une sorte de comparaison, surtout que du coup ça s'est pas passé comme voulait Mac Mahon. En fait, sous la pression de la gauche de l'époque, il a dû faire machine arrière. Alors est-ce que Macron fera la même chose? À voir. Mais Mac Mahon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est, bon, en ce qui concerne la Commune, celui qui a été un des protagonistes de la Semaine sanglante, la dernière semaine de la Commune de Paris où il y a eu, on pense, 20 000 morts. Voilà. Et c'est aussi celui qui a écrasé les révoltes kabyles lors de la colonisation de l'Algérie. Voilà un peu pour ce sombre personnage et pour le lien avec aujourd'hui. On va s'écouter un petit enregistrement d'une personne, d'un duo, en fait, de Sylvain, qui fait partie du duo, du Luxe Communal Duo, qui a joué dimanche dernier à La Gueule Noire, et qui nous parle lui aussi de la Commune de Paris. Je pose une question. Voilà, évidemment, là, maintenant, c'est un peu le grand blanc. Du coup, tout le monde se comprend mieux laisser parler les spectateurs et spectatrices. Ah ouais, du coup, l'histoire de. S'approprier, enfin, l'histoire de la commune, enfin, de, et de réfléchir là-dessus. Ouais. Ça fait depuis longtemps. Bah, moi, j'ai. Si on veut vraiment aller au plus lointain. J'avais 10 ans en 1971, donc c'est le centenaire, et j'habitais à Paris à Ménilmontant. Mmh. Et donc je voyais, il y avait des choses qui se passaient, mais surtout dans le milieu où j'étais, je ne parlais pas du tout de la commune. Hein. Voilà, puis là ça a commencé de m'intriguer, puis après j'ai commencé comme ça, et puis voilà, à l'école j'ai proposé en seconde de faire un exposé sur la Commune de Paris en histoire. Voilà. Et comme j'étais sûr qu'ils n'avaient pas trop compris, en première, j'aurais fait un exposé sur le Front Populaire. Voilà, puis après... mais c'est que récemment qu'on a adhéré à l'Association des Amis de la Commune. Là. Donc nous, on est parti plutôt de l'intérêt pour la Commune. Et après, on s'est dit, on va faire des chansons. Hein, puisque, bon, on a toujours fait un peu de musique, mais pas... Donc voilà, on s'est dit, tiens, on va faire des chansons sur le thème de la commune. Et puis, il y avait des tas de gens intéressants, des tas de gens connus, pas connus. Et puis. Du coup, d'appeler le duo Luxe Communal Duo. Alors, Luxe Communal, oui, parce que ça, c'est une amie donc, qui s'appelle Christiane Carluc, que l'on salue bien, qui a créé une plateforme qui s'appelle Au Luxe Communal. Mmh. Et c'est elle qui nous a fait attirer l'attention sur que ce terme qui était apparu au moment de rapport d'une sous-commission de la Fédération des artistes, hein, c'est pas un manifeste. Oui, oui. Non. Mmh. Et donc voilà, puis ce mot luxe communal qui traînait. Puis bon, elle avait pas mal potassé des bouquins là-dessus. Ouais. Et puis bon, le terme nous a plu, luxe communal, surtout sur le fait d'aller, surtout parce qu'on habite un tout petit village hein, de 800 habitants, d'aller comme ça dans les petits villages pour leur parler de la Commune de Paris. On a trouvé que c'était du luxe communal. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, luxe communal du haut. J'ai bien vu. Voilà. Donc, okay. C'est comme ça que ça s'est passé. Mmh. Là, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils ont eu le sourire pratiquement tout le temps. Ouais. De notre spectacle. Ouais, ouais. Souvent, la commune, ça devient facilement triste et dramatique. Oui. Ce qui fait qu'on a aussi des choses. Voilà. Ouais. Une chanson comme La Pépette, ou l'histoire d'une petite fille qui veut habiller absolument sa commune, alors que ça canarde de tous les côtés autour, et puis que. Voilà, ouais. Sachant que c'est une histoire vraie en plus. Ouais. Sûrement rouge. Enfin, ouais, du coup. C'est vrai que ça s'est passé dans le quartier. Enfin, ça s'est passé dans le quartier latin. C'est-à-dire que les Versailles, ça s'est passé le 23 mai, donc deux jours après. Les Versaillais sont arrivés par la porte Saint-Cloud, ce qu'on appelait le point du jour. Ouais. Donc sur un plan de Paris, c'est en bas à gauche. Ouais. Et ils ont donc très rapidement été sur Montparnasse. Et les fédérés, les communeux, se sont repliés sur le quartier latin. Okay. Voilà. Ouais. Et donc ça se passe sur cette partie du quartier latin. Voilà. Ouais. Et nous jouons le 28 septembre à Paris à la Butte aux Cailles, qui est un haut lieu de résistance, un des derniers lieux de résistance de la commune de Paris. Mmh. Piloté par le général. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. C'était commandé par le général Wrobleski, qui était aussi un Polonais, comme le général Dombrowski. Et le 18 mars, là où il y avait les canons, ça s'appelait le Chant des Polonais. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'en musique, j'ai fait une espèce de mazurka. D'accord, ok. Donc, tout est bien. Ouais. du coup, vous reprenez des brefs de journaux, des articles. Oui, voilà, on prend les articles et on en fait des chansons. Un peu d'inconnu, un peu de la commune. Ouais, ouais. Donc là, sur Paul Mink, sur son journal les mouches et les araignées, on a potassé toute la collection, mais deux numéros. Alors ça va, c'était pas difficile. Et on a pris deux extraits qu'il y avait dans les journaux. Donc celui où elles définissent qui sont les mouches et qui sont les araignées. Et l'autre qui parle effectivement d'un vrai fait qui s'est passé d'une femme qui a déposé l'enfant qu'elle avait, qu'elle n'en pouvait plus parce que par la misère, et hop, au domicile du père. Et les flics l'ont arrêté et ils n'ont pas inquiété le père puisque elle n'avait pas le droit de recherche de paternité. Puisqu'elle n'avait pas le nom du père était. En plus, le père, c'était le propriétaire, je crois, de l'immeuble. Okay. Parce que j'ai fait des recherches généalogiques, j'ai retrouvé le nom de la mère et le nom de l'enfant. Ok. Voilà. Alors, il faudrait que j'aille un peu plus loin, à la limite, je peux retrouver le proprio et le nom du salaud. Le journal de Paul Mink, c'était publié. Non, c'était pas pendant la commune. Non, c'était en 1869. C'était avant. Ouais. Bah, Paul Mink était originaire par son père d'une famille aristocratique polonaise. Mais sans ça, elle est auvergnate, puisqu'elle est née à Clermont-Ferrand. D'accord. Mais à 20 ans, elle est partie faire la deuxième ou la troisième révolte polonaise qu'il y a eu, puisque au moment de l'annexion de la Pologne par l'Empire russe. Elle est partie, après elle est revenue et elle a fait du journalisme en France, et là, elle est devenue journaliste, quoi. Donc, ça aussi. Puis le fait qu'elle ait eu un gamin qu'elle a baptisé Spartacus Blanqui Révolution, ça c'est exceptionnel, ça. C'est vrai. Pas évident à porter. Même ma fille, je l'aurais pas appelée comme ça, quoi. Ouais, c'était Paul Mink. Et puis on parle d'André Léo aussi, hein, donc Léodile Vera, donc la femme de Benoît Malon. Enfin, ils se sont mariés, ils n'étaient pas mariés, mais ils ont vécu longtemps au concubinage en Italie. D'ailleurs, Benoît Malon avait pris le nom de jeune fille d'André Léo, Léodile Vera, donc il s'appelait Monsieur Vera, pour échapper aux poursuites quand il était en Italie. Et en Suisse. Voilà. Ouais, et ça m'a permis ici de venir, là, de découvrir la commune de Saint-Étienne, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas connaître toutes les communes. Mais non, c'est très fort, hein, la commune de Saint-Étienne. Là, j'ai découvert des choses. Et puis un peu cette analogie, là, le fait qu'il y ait eu un garde national qui soit tué au début, et qu'après, dans la confusion, il y a eu le préfet qui soit descendu. Voilà, mais après, c'est vrai que ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que les troupes sont arrivées rapidement, alors que Paris, le gouvernement était sorti de Paris, et Paris était une ville fortifiée. Oui. Voilà. Dire si Saint-Étienne avait été fortifié, ça se trouve, il se serait organisé pour résister plus longtemps. Tu disais qu'il y a pas mal de fédérés qui ont fui en Belgique. Moi, j'avais entendu dire qu'il y en a pas mal qui sont allés en Suisse. Surtout en Suisse, oui. En Suisse, oui. Et en Angleterre. Et en Angleterre, oui. En passant par la Belgique. Donc Alors, la Belgique a été un peu réticente, donc il y a eu quelques-uns. Puis c'est surtout le fait que Victor Hugo, habitant en Belgique, Bruxelles, au départ, et il s'est fait caillasser sa maison, et il a vraiment risqué sa vie parce que les gens étaient en émeute parce qu'il accueillait des réfugiés de la commune. D'accord. Et il s'est fait expulser par le gouvernement belge, c'est pour ça qu'il s'est réfugié après au Luxembourg. Ok. C'est le seul qui a été courageux quand même. Dire à l'époque, hein, c'est en prenant publiquement. Parce que bon, même si on peut dire que Verlaine, Rimbaud ont défendu la commune, mais enfin bon, ils n'étaient pas. Ils n'avaient pas voix publique comme ça. Et que Victor Hugo a été très courageux là sur. Là, puis après, en tant que sénateur, député ou sénateur, je ne sais plus, il a énormément fait pour l'amnistie des communards. Pour voter les lois d'amnistie. Hein. Mais dès 1872, hein, dès le départ. Bon, il a fallu attendre 8 ans. Mais... Ouais. Donc voilà, c'est l'histoire des hommes. Et la commune, hein, ça. We'll be right back. notre petit survol de l'Afrique. Nous sommes des oiseaux migrateurs qui fuyons la grisaille de France et de Saint-Étienne pour aller survoler les côtes de Guinée avec l'ensemble national de la République de Guinée, avec Tolon Makili, qui nous jouait un morceau qui s'appelle « Call to the Festival ». Alors, on va revenir quand même à cette histoire de la Commune de Paris, puisque donc voilà, on parlait du luxe communal. Alors, comment il s'inscrit à travers la Commune de Paris ? Le 14 avril 1871, se réunissent plus de 400 personnes dans le grand amphithéâtre de médecine. Les étudiants en médecine en fait ont quitté pour la plupart Paris, pas la Commune de Paris. Et ces 400 personnes en fait ont élu un comité de 47 membres, donc des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des artistes de ce qui est dit art industriel, donc art décoratif. Et ils vont proclamer toute une déclaration. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la fin de cette déclaration que je vais vous lire. Enfin, par la parole, la plume, le crayon, par la reproduction populaire des chefs-d'œuvre, par l'image intelligente et moralisatrice qu'on peut répandre à profusion et afficher aux mairies des plus humbles communes de France, le comité concourra à notre régénération, à l'inauguration du luxe communal et aux splendeurs de l'avenir et à la République universelle. Voilà la fin de cette déclaration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, ils sont pour l'ouverture publique des musées et des monuments, l'accès à tous et à toutes à la culture et au monde de l'art. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est la sortie de l'art du monde marchand. L'art ne peut faire partie du monde marchand, mercantile. En même temps, il doit aussi sortir de l'emprise étatique à travers le mode de subvention. Troisièmement, c'est l'enseignement de l'art pour toutes et tous. On sait que l'enseignement pour la Commune de Paris est une des priorités, qu'il doit être gratuit, laïque et obligatoire pour les garçons comme pour les filles. L'enseignement de l'art n'est pas exclu. Donc de la part des détracteurs de la Commune, comme Catulle Mendès, dans son journal, les artistes doivent rester à leur place et ne faire que de l'art. Il s'en prend entre autres à Gustave Courbet, qui fait partie de cette assemblée qui s'est réunie dans l'amphithéâtre de médecine. Et donc Catulle Mendès critique Gustave Courbet qui multiplie les réunions publiques. Il est membre de la commune, délégué de la mairie, membre de la commission éducation, président de la fédération des artistes. Bon, il s'investit de partout. Pour les Versaillais, il doit y avoir une frontière inaccessible entre les artistes d'un côté et le reste de la population de l'autre. Dans un livre de Christine Ross, Rimbaud, la Commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale, j'ai découvert le personnage de Napoléon Gaillard. Alors, c'est un personnage un peu haut en couleur, qui est une figure peu connue de la Commune de Paris, cordonnier, qui pose devant sa barricade, c'est la sienne, voilà, place de la Concorde à Paris, dont il est fier d'en être le créateur. Il transgresse l'idée de l'ouvrier, l'image de l'ouvrier, celle qui fait contre celui qui médite sur l'esthétique. La Commune de Paris a ceci de révolutionnaire qu'elle veut mettre l'art de partout. L'art doit s'infiltrer dans nos vies comme une sève. Cela va dans la lignée politique de rendre commun, rendre accessible. Que ce soit l'art, mais aussi l'éducation, la santé, de nombreux besoins doivent être communs, c'est-à-dire sortir de la propriété individuelle, être géré par des comités ouvriers et la population dans son ensemble doit en bénéficier. Dans ce livre de Christine Ross aussi, elle nous dresse le portrait d'Arthur Rimbaud comme une personne qui rejette la distinction entre travail manuel et travail intellectuel. Le travail artistique est un travail manuel comme le travail agricole. Rimbaud aurait-il entendu parler du luxe communal ? Bon, sans aucun doute. On peut citer dans Les Illuminations le poème Vagabond. Je crée par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Le luxe venant étymologiquement du latin lumière, Rimbaud joue avec les oxymores luxe nocturne, lumière, obscurité. On va écouter un autre témoignage d'une personne qui s'appelle Sophia, que j'ai interviewée sur le luxe communal. Donc Sophia, salut. Je me demandais pour toi. Je vais faire donc une conférence sur le luxe communal, une notion montée par Gustave Courbet, Eugène Potier, sur le fait que les Versaillais fuck off. On n'est pas là pour partager la misère, on est là pour partager en fait ce qu'il y a de mieux. Il y a à la fois une notion de démocratisation de l'art, de sortir l'art de l'aspect marchand, aussi la notion de luxe pour tous. Toi, qu'est-ce que ça serait le luxe? Et puis toi, par rapport à ton boulot d'artiste, est-ce que ça fait tilt? Alors, luxe, calme et volupté. Ouais. Comme quoi, au 19e siècle, c'était une grosse obsession qui n'a pas cessé, finalement. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'en fait, le 19e nous a pondu un gros caca dans la bourgeoisie qui s'appelle le capitalisme, et que depuis, en fait, on baigne là-dedans, dans ce gros caca qui s'est juste un peu technologisé, parce que mais en fait, quelle différence entre une calèche à un fiacre et finalement une bagnole. On va dire que le peuple a maintenant un fiacre, mais bon, celui qui récolte le pognon, c'est toujours les mêmes, quoi. Enfin, je veux dire, la bourgeoisie s'est bien organisée avec le capitalisme, donc le truc qu'ils ont inventé, la propriété privée, l'exploitation grâce à la propriété privée, ils sont toujours là-dedans. Ils nous imposent toujours les mêmes codes, c'est toujours eux qui nous imposent les codes esthétiques qu'on doit suivre, etc. Ça n'a pas changé. Courbet, il avait tout à fait raison. À l'époque, c'était des marchands d'art. Comment la culture s'est fondée au 19e siècle, c'était des bourgeois qui s'achetaient entre eux des belles peintures, qui mettaient dans leur salon, qu'ils admiraient, qui valorisaient un peu leur mode de pensée, leur préoccupations intellectuelles. Ils étaient fascinés par les Grecs. Donc allons-y, regardons des peintures de dieux, de déesses, si possible des femmes à poil, c'est trop excitant. De gros ventrus qui se baladaient entre eux et qui faisaient des affaires en attendant, avec des gens qui allaient dans les colonies pour... Par exemple, Courbet, j'ai vu qu'il avait vachement été critiqué sur le fait que, à la fois, c'était un artiste et en fait... il s'occupait vachement de la vie politique pendant la commune, en fait, à faire partie de... Tu montes là-haut, Colin ? Adieu, Maria Polo. Adieu, Maria Polo. Adieu, Maria. Adeus, vamos embora, meu bem. Chora não ajuda ninguém. Enxuga o teu pranto de dor que a seca mal começou. Adeus, vamos embora, meu bem. Chora não ajuda ninguém. Enxuga o teu pranto de dor que a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, Maria, mulher do meu coração. Eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão. Lá longe as horas da volta, eu conto minha mão. Adeus, vou me embora, meu bem. Ela não ajuda ninguém. Enxuga o teu pranto de dor, que a seca mal começa. Adeus, vou me embora, Maria. Eu sou chover no sertão, lá longe as horas da volta, eu conto a minha mãe. Adeus, Maria Pulou. Adeus, Maria Pulou. Nous écoutions Myriam Makeba, Maria Fulo. Nous sommes toujours sur Radio Duo 89.5 et nous faisons une sorte de one-shot d'émission sur le luxe communal. Alors, on a écouté Sophia tout à l'heure qui, effectivement, l'interview a été coupée en deux pour des raisons que, en fait, on était dans la rue et qu'il y avait plein de gens qui participaient tout autour. On entendra, en fait, un deuxième enregistrement de l'interview de Sophia tout à l'heure. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le luxe communal, je me suis appuyé sur deux personnes. Une personne qui s'appelle Razmik Koshyan et une autrice qui s'appelle Christine Ross. Alors, Razmik Koshyan, dans un livre qui s'appelle « Les besoins artificiels », il nous parle du luxe communal et d'un communisme du luxe. Selon Razmik Koshyan, le luxe est une notion en dehors de la problématique financière. Il faut la différencier du haut de gamme. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est que le luxe échappe à la comparaison, évite le piège de la banalisation, de la démocratisation du bien. Ainsi, l'art offre des objets rares, singuliers. Il faut donc le haut de gamme est en opposition au bas de gamme, mais le luxe est quelque chose qui est vraiment au-delà de cette problématique-là. Y aurait-il une contradiction à parler du communisme pour le luxe? Si celui-ci est rare et singulier, comment le luxe pourrait-il être une idée de partage de biens communs s'il sert à se distinguer des autres? Encore plus aujourd'hui, à travers la crise environnementale et la raréfaction des matières premières, le communisme du luxe est une alternative à la logique individualiste du marché et aux destructions environnementales qu'elle répand inexorablement à sa suite depuis plus de deux siècles. À travers la notion de république universelle prônée par les communards, l'idée de luxe communal surgit comme l'idée révolutionnaire même. Dans leur déclaration, il s'agit de soustraire l'art du marché. La valeur artistique de l'art est souvent trop assujettie à la valeur économique de celui-là. Le fait d'abolir le marché de l'art, c'est redonner à l'art sa juste valeur, celle qui est artistique. De ce fait, l'art investit la vie. Il n'y a plus de distinction entre des arts appelés beaux-arts et des arts décoratifs. C'est redorer notre quotidien avec le beau, l'esthétique dans son sens le plus révolutionnaire. Si l'ordinaire nous semble insupportable, c'est dû à la division entre un monde utile et moche et un imaginaire qui permettrait l'évasion esthétique. Mais si le quotidien n'est plus insupportable, il peut se parer du luxe et c'est du luxe communal. Pour la Fédération de la Commune de Paris, il faut résorber la division entre l'art et la vie. L'art ne peut être contenu dans des sphères spécifiques comme les musées, les salons, les écoles d'art, mais il doit investir le monde entier et principalement la rue. Pour que démocratiquement ceci puisse être jouable, ce doit être à l'échelle de la commune et de nombreuses communes, la Commune de Paris mais aussi la Commune de Saint-Étienne, etc., ont participé à cette idée-là. De plus, pour Razmik Koshyan, l'accomplissement du luxe communal signifie la fin de la distinction entre citoyens et artistes. chaque citoyen est un artiste. Bon, cela reste à voir. Cependant, on retrouve de nombreuses répercussions dans cette notion dans les mouvements artistiques du XXe siècle. Mayakovsky, le poète russe, dit « Les rues sont nos pinceaux, les places sont nos palettes ». Je pense aussi à Marcel Duchamp et au mouvement Dada, le surréalisme, les situationnistes, le mouvement Cobra, le pop art, le street art, etc. À chaque fois, une remise en question de la distinction entre l'art et la vie, avant qu'il soit récupéré par le marché de l'art. Et Razmik Koshian conclut ainsi « L'élément important est celui-ci. Dans l'esprit des communards, le mot d'ordre de luxe communal doit contrer l'accusation de misérabilisme formulée par les Versaillais à leur endroit. Pour les réactionnaires, les communards sont des partageux. Ils veulent partager la misère. Une société égalitaire est forcément une société de la pauvreté et de la pénurie. À quoi les Versaillais opposent le luxe et la beauté par essence inégalitaire. Contre ce postulat, les communards déclarent le luxe pour tous, telle est leur leçon, n'a de véritable valeur qu'un luxe démocratisable. » Nous allons écouter un autre témoignage d'un artiste stéphanois qui s'appelle Stéphane. C'est un peu remonté en fait. C'est un peu remonté. Non, j'essaie de remplir. Cool. Non, c'est oui. Bah, là, dans mon temps, c'est une catastrophe. C'est 25 ans que j'ai arrêté, tu sais, enfin ça fait plus de 15 ans que j'ai arrêté le salon. J'ai tout essayé et là, j'ai fait du maraîchage. Ouais. Ouais, donc voilà, je vois là où j'en suis. Le luxe pour toi, c'est de faire du maraîchage. Le luxe pour moi, c'est... Je dis bonjour, monsieur. Ouais. Moi, un salut pour les ignorer au moins. Non. T'es un des hommes, t'es un des garçons. Moi, je dis bonjour, salutations au moins pour dire un petit bonjour, salutations. Premier pauvre l'homme, premier pauvre l'homme dans l'histoire géographique, je dis bon, salut, qui est un premier pauvre l'homme avant. Pour ouvrir l'âme ? C'est moi. Le frère, vous n'avez pas un peu de monnaie pour manger, c'est plus un, plus heureux, c'est plus heureux. Petite pièce, on pas un million, frérot, là, je suis une galère, c'est plus grand. Non, on n'a pas de pièce là, on va faire un truc, c'est... Merci, mec. C'est bon. Ouais, donc du coup tu veux te lancer dans le maraîchage? Pardon. Non, j'ai pas envie de me lancer dans le maraîchage, mais juste la peinture, ouais. Ben, ça devient trop compliqué. Trop compliqué, en fait. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas, il y a des bas, il y a des bas. Il y a une année, c'est le Covid, il y a une année, c'est les JO, il y a une année, c'est je sais pas quoi. Et à chaque fois, on nous ramasse. Ouais, c'est dur parce que la première question qu'on te pose, c'est est-ce que tu vous en vivez? Ben, nous, on en survit. Ben non. Mais aujourd'hui, on en survit même plus. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, dans cette condition pas terrible, c'est dur d'envisager autre chose, d'imaginer. Je sais pas si ma question elle est terrible. Je me dis que en fait j'allais dire quand tu crèves la dalle, du coup c'est plus compliqué d'imaginer les choses, de se projeter, de. En fait quand tu. Bah, tu sais ce que c'est, mais quand tu galères à essayer de survivre, bah, tu cours après l'argent, et quand tu cours après l'argent, bah, tu passes pas de temps chez toi, et tu travailles pas dans ton atelier, et donc quand tu travailles pas dans ton atelier, bah, tu n'inventes pas, tu te réinventes pas, et c'est ça qui est très frustrant aussi, sans compter les soucis. Bref, on s'en fout. Enfin, ça c'est compliqué. Après, quand je dis j'ai envie de faire du maraîchage, non, j'ai pas du tout envie de faire du maraîchage. J'ai envie de faire de la peinture. Bah oui. Mais ça devient très compliqué. Il y a un truc dans ce que j'ai lu qui me fait vachement penser à toi. C'est Eugène Petit, en fait, avant d'écrire l'International et tout ça. En fait, il faisait de l'apprentissage. Pour je sais plus quel métier d'artisan comme son père et du coup il écrivait la nuit, même si ouais, il se levait à 5h du mat pour faire son boulot d'apprentissage d'artisan, et parce que je pense qu'il était il y avait un truc qui faisait que pour lui c'était un peu vital d'écrire et du coup c'était pas forcément des choses révolutionnaires qu'il écrivait, mais en fait le fait même d'écrire c'était je pense quelque chose de révolutionnaire dans le fait de dire avec mes mains je fais autre chose que juste assembler des choses, enfin et du coup je pense que t'as ce côté là un peu où t'as une sorte d'énergie un peu vitale de vouloir créer avec tes mains. Je me rappelle de toi qui gribouille des trucs sur le comptoir parce que t'as besoin de créer des images. Non, mais bien sûr, mais tout ça, c'est vital, en fait. C'est vital de créer, de fabriquer. Et je crois qu'on peut être... En fait, on ne peut pas s'en empêcher. C'est un besoin, comme... mais par contre, la seule question aujourd'hui, c'est comment on mange, quoi. Et, voilà. Après, bien sûr, ça n'empêche pas. Moi, j'ai toujours, de toute façon, mélangé le travail salarié et... et la créativité, j'ai toujours pas dormi pour fabriquer. Mais aujourd'hui, à 47 ans, c'est plus compliqué de pas dormir, c'est plus compliqué de. D'assurer. Mais effectivement, mais de toute façon, ce besoin, il existe toujours. Et quand je dis que j'ai envie de faire du maraîchage, en fait, j'ai pas du tout envie de faire du maraîchage, j'ai envie de pouvoir survivre. J'aime pas grand chose, mais survivre de ce que je fais. Ouais, c'est un peu maladroit de dire ouais, mais en fait, c'est un truc vital chez toi, j'ai un besoin. Alors que ce qui est aussi de vital, c'est de pouvoir bouffer, de pouvoir payer son loyer. Donc, je l'entends. Ok. No. toujours sur Radio Duo 89.5 et je pense que le véritable luxe, c'est d'être un seul animateur pour animer cette radio, cette émission, et d'avoir trois techniciens, mesdames et messieurs, et oui, trois techniciens, dont une technicienne qui s'appelle Véro, David et Christophe. Merci à vous. Donc, voilà, nous écoutions Cora Jazz Trio, Myriam. Comme je disais, pour le luxe communal, en fait, je me suis appuyé sur deux auteurs, autrices, Razmik Koshyan et Christine Ross. Et Christine Ross, elle revient sur l'importance pour la commune de l'éducation. Dans une France où l'ensemble des écoliers ont une éducation religieuse catholique et où une majorité d'enfants ne vont pas à l'école, les communards ont 10 ans avant la Troisième République institué l'éducation laïque pour toutes et tous, gratuite et obligatoire. Pour cette éducation, ce sera celle de la République universelle, la République des travailleurs et non celle d'une nation. L'international, qui prend position dans les arrondissements de Paris, réquisitionne de nombreux établissements pour créer des écoles, des crèches, des asiles pour orphelins et fugueurs. Le 21 mai 1871, l'égalité salariale entre instituteurs et institutrices est décrétée. Les objectifs de cette déclaration, de cette éducation, sont apprendre à l'enfant à aimer et à respecter ses semblables, lui inspirer l'amour de la justice, lui enseigner également qu'il doit s'instruire en vue de l'intérêt de tous. S'inspirant de l'international, la commune invente l'éducation intégrale, censée surmonter la division entre travail manuel et intellectuel. Je cite: dès son jeune âge, l'enfant passe alternativement de l'école à l'atelier. Il faut, enfin, qu'un manieur d'outils puisse écrire un livre, l'écrive avec passion, avec talent. Il faut que l'artisan se délasse de son travail journalier par la culture des arts, des lettres ou des sciences, sans cesser pour cela d'être un producteur. À travers cette politique éducative, ont défini de façon plus précise la portée révolutionnaire de la Commune de Paris. Abolir la division entre travail manuel et travail intellectuel. Et abolir la division entre l'art et la vie. De nombreux artistes quittent Paris sous le siège prussien de l'hiver 1870-1871. Corot, Degas, Cézanne, Courbet restent et participent activement à la Commune. Zola en rigole même. Je cite: certes, le moment n'est pas à rire, mais vraiment, il est de ces spectacles qui sont d'un comique irrésistible. Courbet, le grand Courbet, est de la Commune de Paris. Il va légiférer. Il a exercé sa charge de président des artistes et même, Dieu me pardonne, on vient de le déléguer à la commission de l'instruction publique. Dans 100 ans, les ateliers en riront encore. À côté de Courbet, il y a Eugène Potier, qui dirige un atelier où sont réalisées toutes sortes de productions artistiques, draperies, tapisseries, dentelles, peintures sur étoffe et sur céramique. De nombreuses nationalités parmi les artistes de cet atelier. Potier est un ouvrier poète. Il commence à écrire des vers alors qu'il n'est qu'un adolescent en apprentissage pour devenir emballeur comme son père. Il écrit la nuit, malgré le fait qu'il se lève à 5 heures du mat pour son apprentissage. En s'appuyant sur le livre de Jacques Rancière, « La nuit des prolétaires », Christine Ross montre que les écrits des ouvriers poètes comme Eugène Potier ne sont pas mus par un désir revendicatif ou un exercice stylistique et artistique, mais ce qui les pousse à écrire ou à faire de l'art, c'est le pur acte d'exister. La véritable transgression, c'est celle de la division entre travail manuel et travail artistique ou intellectuel. On peut voir une analogie dans le fait que la force de la commune n'est pas dans ses lois promulguées ou les institutions fondées, mais dans le fait d'avoir existé. Le maître mot pour définir l'instauration du luxe communal, comme il a été promulgué par la Fédération des artistes, c'est le mot « autogestion ». un mot qui reste l'une des idées maîtresses de l'anarchisme. La Fédération des artistes considère que le système de subvention crée une division entre les artistes et reste un moyen de restreindre cette liberté de l'individu que la bourgeoisie prétendait promouvoir, mais qu'en réalité elle limitait. Dixit Christine Ross. La censure durant le Second Empire a été un frein à la liberté artistique et à la liberté d'expression. Mais les peintres et sculpteurs bénéficiaient d'une certaine immunité par rapport à elle. Les conditions de vie des artistes à partir de 1860 se dégradent car beaucoup sortent des écoles et ont du mal à trouver du travail. Ce qui fait que les artisans et artistes décoratifs sont considérés comme des artistes ratés en acceptant de travailler pour l'industrie de l'art. Les décisions de la Fédération des artistes de sortir de ces divisions permet une émancipation très importante du monde artistique, comme le souligne un sculpteur de l'époque. Les résultats des propositions du manifeste ont été grands, non pas parce qu'elles ont élevé le niveau de l'art, mais parce qu'elles ont répandu l'art partout. Christine Ross nous parle alors de Napoléon Gaillard, le cordonnier communard, créateur d'une barricade, place de la Concorde, et revendiquant le statut d'artiste pour cette création. Un anticommunard en parle ainsi. Il regarde les énormes barricades qu'il fait construire, place Vendôme, place de la Concorde, etc., etc., comme des travaux d'art et de luxe à la fois. Il n'en parle qu'avec une admiration et un amour qu'il reporte évidemment sur sa propre personne. Lui-même, Gaillard, se revendique artiste chaussurier. Il dit « Je me crois un travailleur, artiste chaussurier, et quoique faisant des chaussures, j'ai droit au respect des hommes autant que ceux qui croient travailler en tenant une plume. » Christine Ross nous rappelle que, pour les membres de la Fédération, il n'y a aucun jugement sur les critères esthétiques des œuvres d'art. La Fédération des artistes n'a pas pour but de guider vers une esthétique ou une autre. Ce qui compte, c'est le processus de fabrication. Tout art est, selon eux, artisanal et qualifié par sa production et par la socialisation de ses fabricants. Le point le plus important de la déclaration de la Fédération des artistes étant de demander que la beauté s'épanouisse dans les espaces communs et non plus uniquement dans les chasses gardées privées de la bourgeoisie. De plus, sans aller vers des penchants de cancel culture, la démolition de symboles nationalistes et impérialistes permet de se dégager d'un poids, j'allais dire monumental, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, pour les citoyens qui se trouvent dans l'obligation de passer devant ou de vivre avec de tels monuments. Que ce soit en France ou ailleurs, puisque William Morris, dans son roman Nouvelles de nulle part, fera de Trafalgar Square et de la statue de l'amiral Nelson un verger d'abricotiers, imaginaire hautement symbolique de la nature qui reprend ses droits et du cycle des saisons qui temporalise l'espace public. En revenant sur la division entre beaux-arts et arts décoratifs, Christine Ross, par l'intermédiaire de William Morris, note que l'industrialisation, le commerce et le profit mis en place au XIXe siècle ont porté atteinte à la qualité des arts dits décoratifs et de leur statut dans la société. Il dit entre autres, lors d'une de ses conférences, William Morris, que les arts décoratifs sont devenus plats, mécaniques, vidés de leur intelligence et faisant des beaux-arts les accessoires d'une pompe parfaitement creuse ou de jouets sophistiqués destinés à une poignée de citoyens riches et oisifs. En ce début de capitalisme, on retrouve cette division entre des articles de luxe inutiles pour les riches et la masse de choses qu'aucun homme sain ne saurait désirer. Christine Ross nous explique aussi que si nous nous débarrassions de la taxe de gaspillage qui finance le système de classe actuel, nous mettrions fin à la pauvreté dans la surproduction en même temps qu'à toutes les dichotomies entre la pratique et le beau, l'utilitaire et le politique, ce qui s'utilise et ce qui se conserve. Le luxe insensé, dont Maurice savait qu'il ne pouvait pas exister sans une forme d'esclavage, sera remplacé par le luxe communal, ou l'égalité dans l'abondance. La création de l'idée de luxe communal est d'une part une réaction défensive contre la propagande versaillaise qui diffusait dans les campagnes de France que les communards allaient arriver pour prendre leurs terres, mais aussi contre l'idée fausse que le désir de partage de la Commune de Paris, c'était forcément pour partager la misère. À cela, les communards ripostent en proposant un monde totalement différent où chacun aurait sa part du meilleur. Nous allons entendre la suite de l'interview de Sophia qui revient sur sa notion du luxe et du luxe communal. Donc du coup, Gustave Courbet, il a été vachement critiqué sur le fait que du coup, il fallait qu'il choisisse entre une sorte de vie politique et une vie d'artiste. Ah oui, bah, le fameux les artistes soient politiques. Voilà. Mais le problème, c'est que les artistes, ils transpirent la société, en fait. Donc dès qu'ils produisent une œuvre, bah, ils racontent quelque chose de la société. Donc forcément, ils sont politiquement situés. Si c'est des artistes bourgeois, c'est-à-dire des gars qui vivent qui ont un mari, une femme qui a du pognon, ils n'ont pas de problème de fin de mois, donc vas-y, je te fais de l'esthétique bourgeoise, je vais dans les galeries bourgeoises, je vends dans les galeries bourgeoises. Voilà, c'est la même chose, quoi. On appelait les salons à l'époque, des petites bourgeoises qui faisaient venir des artistes. Maintenant, les bourgeois ont des galeries plus ou moins bien cotées, qui rapportent plus ou moins de pognon. Mais c'était la même chose à l'époque. Hein. Les marchands d'art, ils se débrouillaient pareil. Hein. Donc, politiquement. L'artiste, bien sûr qu'il a sa voix à dire. C'est quelqu'un de... De toute façon, les artistes qui se disent apolitiques, c'est soit des crétins, soit des... Des profiteurs. Ouais, des profiteurs, parce que... oui, non, c'est clairement politique. L'art, il nous donne des idées sur le monde dans lequel on vit. Ça transpire. Enfin, tu peux pas échapper... Donc il faut savoir le décrypter. Il faut savoir le décrypter et puis... Et alors qu'elle nous rejoint... Ouais. Une interview. Moi j'interromps l'interview. Mais parce que c'est une interview sur la place de l'artiste dans la société. Ah. Donc voilà. Mm-hmm. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Bon, écoute, là en ce moment, moi le côté artistique est vraiment en stand-by. Vois-tu? J'ai toujours une âme d'artiste, oui, effectivement. Bah ouais. La vie est un théâtre, dit-on pas, hein? Donc, des fois, chez Daniel, ouais, il m'arrive de en balancer quelque chose. De faire une pièce. On a dû dormir, t'es gens honnêtes, travaille la bouche dessus, ôter le pain. Saccapageuse, cancantatrice. Est-ce que la notion de luxe, pour toi, ça t'interpelle? Si on enlève en fait tout l'aspect un peu bourgeois, enfin voilà, de grosses bagnoles, de grosses baraques, de trucs, qu'est-ce que ça définirait pour toi le luxe? Le luxe? Ouais. Le luxe pour moi, non, mis à part faire ce que t'as envie quand t'en as envie, c'est bien tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire, t'as envie de te casser au fin fond de l'Afrique, tu peux y aller, t'as pas de problème de thune. Sinon, avoir une grosse baraque, une grosse bagnole, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, j'envisage peut-être de planter une tente sur le haut d'un crassier et de m'acheter une chèvre et de fabriquer du fromage de chèvre que j'irai vendre peut-être au coin de la rue là-bas. Je pense que c'est un super projet. Oui, c'est une forme de luxe, ça aussi. Hein, je les achète, tes fromages. Je n'avais pas répondu tout à l'heure, mais pour moi, le luxe, c'est le luxe de rien faire. Ouais. Oui. De pouvoir ne rien faire. Et puis, si, en plus, c'est génial. Ce qui est marrant, c'est que tu as la Commune de Paris, et 10 ans plus tard, à peu près, il y a Paul Lafargue qui sort Le Trou à la Paresse. Et du coup. Parce que quand tu fais rien, tu échappes à la machine de production capitaliste. Donc ça les fait chier parce que tu leur apportes plus de pognon. Donc ça les emmerde, ils ont peur d'avoir une vie de pauvre que pourtant ils imposent à tous. Mais manger des pâtes dans une villa de luxe, ça le fait aussi. Hein. Tu peux vivre au RSA avec ta piscine à côté, c'est pas grave, hein, puisque tu l'imposes à tous. Vas-y, hein. Prends ton courage. Ouais. Vis avec un RSA, Arnaud. Ou voilà, qui c'est qu'on a encore, Jean-Michel, hein, Jean-Michel, mon petit nom, Michel-Édouard, hein, Michel-Édouard, ça te dirait pas d'acheter de temps en temps un pot de Nutella parce que ça te fera plaisir. Ça te changera des pattes, tu verras. Mais on s'en accommode très bien, nous, les pauvres, dans nos dans notre studio. Eh ben. Hein, espèce de connard. Nom de Dieu. Ah, j'ai dit que j'allais dire des gros mots. La crise de Caralis. Voilà, après ces quelques gros mots, revenons à une littérature plus chaste. Suite à la présentation que j'ai faite du Luxe Communal, j'avais envie de lancer trois perspectives de réflexion. D'une part, sur la sortie de la consommation de masse, sur une critique du monde du travail et sur ce que le Luxe Communal pouvait être à travers une société qui vit une crise environnementale. Donc premièrement, sur la sortie de la consommation de masse, ce qu'on voit, c'est que premièrement, ce qui me semble essentiel dans le Luxe Communal, c'est la sortie de la consommation de masse et donc de la production de masse. Consommation et production sont intimement liés. Dans le livre de Razmik Kechilyan, on voit que dans les associations de défense de consommateurs, en Amérique, la consommation et la production sont intimement liées, alors qu'en France, en fait, on a toujours essayé de les séparer. Mais en fait, voilà, c'est intimement lié. Si l'art est partout, c'est-à-dire des objets singuliers, rares, etc., c'est à l'encontre de la production de masse et de l'industrialisation de la production, de la standardisation. Il faut voir dans cette révolution industrielle le début d'un assujettissement d'une société à l'accumulation pour l'accumulation, comme dit Christine Ross. La société de consommation a été une création de la révolution industrielle. On peut le voir dans le livre d'Émile Zola « Au bonheur des dames ». Les modes de consommation changent en fonction du mode de production. L'industrialisation, qui permet de produire à des cadences beaucoup plus importantes que l'artisanat, donne sur le marché des produits qui poussent le citoyen à devenir consommateur. La publicité, comme moyen de communication de masse, participe au développement de la société de consommation. Il y a différentes époques d'essor économique. Christine Ross, dans un livre qui s'appelle « La forme commune », parle des années 60, de l'après-guerre et l'arrivée du commerce aérien pour mieux resituer la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Car les années 60 ont en effet reconfiguré les axes de conflictualité d'une époque. Autrement dit, les années 60, outre tout ce qu'elles ont pu être, sont un autre nom du moment où des gens dans le monde entier ont commencé à comprendre que la tension entre la logique du développement et celle des bases écologiques de la vie était devenue la contradiction primordiale au cœur de leur vie. L'industrialisation, c'est la production de masse grâce aux énergies fossiles, charbon, pétrole. Un objet que l'on concevait en une semaine va pouvoir être créé en une heure. Le temps de fabrication étant réduit, on produit plus et c'est pourquoi il faut trouver de nouveaux consommateurs. Les produits accessibles qu'à une élite peuvent être démocratisés. Les modes de consommation changent car les modes de production changent aussi. Si les classes sociales les plus pauvres ont accès à cette consommation de masse, ce n'est pas par souci démocratique, mais bien parce qu'il faut permettre d'écouler cette marchandise. Et le piège tendu, c'est la création du crédit qui assujettit le prolétariat à une vie salariale dont il dépend pour pouvoir payer les objets qu'il achète à crédit. Dans cette révolution sociale et économique du 19e siècle, la naissance du capital, du système capitaliste, rend les ouvriers dépendants de ceux qui sont détenteurs des moyens de production. Le citoyen lambda n'est plus maître de ce qu'il produit et donc de ce qu'il possède. En citant Gorce et Illich, Christine Ross nous dit ceci. Pour Gorce également, c'est la culture du quotidien empruntée à son ami Ivan Illich qui constitue nécessairement le point de départ de toute analyse de la société capitaliste contemporaine. La culture du quotidien chez Illich, ce sont toutes les pratiques et les savoir-faire intuitifs qui vont sans dire et qui constituent presque une seconde nature, le savoir collectif qui permet aux individus de se faire un chemin dans le monde et de le penser. Ces savoir-faire vernaculaires, soutiennent Gorce et Illich, se sont trouvés peu à peu marchandisés, voire confisqués par des experts et emmagasinés dans des compartiments privés, des silos à savoir. L'idée de compartiment privé, c'est l'identité même du luxe bourgeois. Ce qui m'a semblé étonnant durant les recherches que j'ai faites, c'est de me rendre compte que la place Vendôme, qui a été le théâtre d'un événement majeur pendant la Commune de Paris, le déboulonnage de la colonne Vendôme, cette place est aujourd'hui l'emblème du luxe. Comme si le capital voulait se venger de cet acte révolutionnaire. Cet acte a d'ailleurs longtemps été attribué à Gustave Courbet, l'un des créateurs du luxe communal. Pour avoir fait une petite visite virtuelle sur Google récemment, la place Vendôme accueille en son sein les marques qui symbolisent le luxe bourgeois. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Boucheron, Schiaparelli, Ritz, Rolex. Élisée Reclus disait à propos de la destruction de la colonne Vendôme, « Il n'est pas en ce siècle de signe des temps qui ait une signification plus imposante que le renversement de la colonne impériale sur sa couche de fumier. » Et William Morris, comme je citais tout à l'heure, de rajouter « Bien qu'en elle-même, la destruction de la colonne Vendôme ait pu apparaître comme une broutille, si l'on pense à l'importance généralement attachée à ce genre de symbole, et tout particulièrement en France, le démontage de cette mauvaise tapisserie napoléonienne était un nouveau témoignage de la détermination à ne pas composer avec les vieilles légendes cocardières. Dans un article du Monde datant du 18 juillet 2024, on pouvait lire que LVMH et d'autres investisseurs privés aménageaient une partie des Champs-Élysées pour redorer l'image de, je cite, « la plus belle avenue du monde ». Dans cet article, il notait que l'image de cette avenue avait été entachée par le mouvement des Gilets jaunes. Il fallait tourner la page des Gilets jaunes. En effet, ce que l'on peut voir, c'est que le luxe est à la fois objet de convoitise et une priorité à saccager, comme s'il déchaînait des passions très contradictoires, d'attirance et de répulsion. Le propre de la société de consommation, d'une certaine façon, c'est-à-dire le désir de possession qui est réalisable ou pas, et le plus souvent, pour la majorité, pas. Ce qui est intéressant du point de vue des ultra-riches, c'est cette notion de privatisation de l'espace public. On le voit dans cet article autour des Champs-Élysées, mais c'est le cas ailleurs. Et on peut étendre la notion d'espace public à celui de service public aussi. C'est-à-dire que finalement, l'idée même de mettre en commun des choses, en fait, disparaît pour des services privés. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir, de pouvoir se payer ces services, eh bien, tant mieux, les autres qui crèvent. La culture est souvent un secteur le plus touché par les crises, par une crise économique. Et on peut voir aussi le capital s'emparer de ce secteur à des fins lucratives, l'art étant l'un des domaines où la spéculation et l'optimisation fiscale est le plus répandue. Il y a deux raisons pour les ultra-riches de privatiser l'espace public, soit à des fins lucratives, soit dans le désir de posséder, ce que expliquait Christine Rose dans l'accumulation pour l'accumulation. Et on peut le voir en fait dans un dossier du Canard qui est sorti cet été sur les ultra-riches que le sultan du Brunei a par exemple 7000 voitures de luxe et 20 jets privés. En discutant après ma conférence de dimanche avec une personne, elle m'a parlé que IKEA vendait des œuvres d'art, enfin avait une façon de démocratiser l'art à sa façon. C'est-à-dire que tu pouvais acheter un cadre avec une reproduction d'un artiste, mais comme elle disait, en fait, la définition et la qualité en fait de cet art, d'une part, en fait, la définition et la qualité en fait est vraiment très médiocre, voire nulle. Et ce qui est important, c'est de voir aussi cette standardisation, c'est-à-dire que par exemple, à Saint-Étienne, le nombre d'artistes qui font de la céramique, du dessin, des œuvres d'art, en fait, est énorme. Et en fait, c'est des gens qu'on invisibilise par la fait de commercialiser, en fait, de la part d'IKEA, en fait, des œuvres d'art, faussement œuvres d'art, quoi. On va écouter maintenant un autre témoignage de Colin et de sa copine. Voilà. Vénère, en fait, que du coup, pour lui, avoir de la lumière dans l'escalier, c'est pas grave. Enfin, tu vois, il a sa frontale et tout ça, quoi. Enfin, il se mettait pas à la place des autres. Est-ce qu'il ne jouait pas un peu Warrior? Oui, un peu, c'est, enfin, Warrior ou je sais pas quoi, ou juste. Genre, je me passe de lumière parce que moi je suis trop. Tout cas, oui, il était plus jeune et il était. Enfin, bref, moi surtout j'ai trouvé un peu. Enfin, bref, je m'en. Enfin. Oui, il était con, quoi. Un peu en mode instinct de survie. Surtout, ils étaient dans un truc hyper bizarre enfin, je sais pas, enfin, après, je sais pas si c'est une bonne idée de ça, mais en tout cas, moi, le luxe, la seule fois où ça m'a dérangé qu'on me dise, enfin, tu vois, genre, ça, c'est un truc de luxe, je me suis dit, putain, mais mec, il délire, quoi, enfin, c'est pas un truc de luxe, en fait, c'est la lumière dans un escalier, on se casse pas la gueule du tout dedans, mais, du coup, ouais. Quoi, enfin, je sais pas, c'est hyper bizarre, mais en plus, il y avait du fric. Pour faire ça, en fait. En fait, c'est ça qui était hyper bizarre. Il y avait du fric pour faire ça. C'est pas les mecs. Enfin, tu vois, évidemment, tu vas. Enfin, je sais pas, hyper bizarre. En fait, il avait accès à l'électricité et il pouvait. C'était un lieu collectif où il n'y avait pas de lumière dans une cage d'escalier. Alors qu'ils auraient pu réfléchir à ça avant. Enfin, tu vois, genre à dire. Bah, s'il y a quelqu'un qui demande qu'on ait la lumière d'un escalier, tu fais la lumière d'un escalier. Il y avait de la tuile, enfin, c'est hyper bizarre. Enfin, c'est le pic. Voilà. Ouais, okay. Ouais, je veux bien que tu mettes pas ça. Hop là. C'est vraiment hyper bizarre, quoi. Le luxe, c'est d'avoir des verres en rab aussi. Oui, moi, je. Bon, je coupe pas. Non, mais moi, je dirais que c'est. La zone de consommation dans laquelle on est. Mais du luxe, j'aime pas trop. Oui, oui. Bah, en fait, elle est galvaudée. L'image du luxe, c'est des grosses bagnoles, c'est des maisons de dingue. Mais du coup, voilà, je me disais, c'est quoi le une fois que tu oublies en fait le côté délire bourgeois, qu'est-ce que toi, en fait, comment tu pourrais t'approprier en fait cette notion-là, quoi. Qu'est-ce que de se dire, tu vois, je trouve ça marrant que tu utilises le terme approprié parce que ça fait penser au truc, c'est que ça dépend de la zone de confort dans laquelle tu vis. Genre, quand tu es dans un pays, enfin, moi, pour moi, comme le Maroc ou l'Arménie, tu te rends compte que ce qui est considéré comme du luxe, moi, ça me conviendrait, tu vois. Genre, vous savez, j'ai traîné un peu en Arménie, à tel fait de faire réparer les objets qui sont cassés, alors que notre luxe de consommation, il est vraiment hyper pourri, quoi. Il est odieux. Mais si cela tu dis c'est au pic et que le type il veut pas changer la lumière, enfin si c'est dans un squat machin, que tu veux te la jouer plus misérable que tu n'es. Oui, c'était pas un squat et les mecs ils ont acheté quand même. Enfin, tu vois, c'est ça qui est aussi bizarre. Mais de toute façon, ils auraient pas réfléchi comme ça si c'était dans un squat en fait. Enfin voilà, bon bref. C'est pas des squatteurs. Ok. Et ça, c'est tout le jour, il y avait un truc sur l'usurpation culturelle. Est-ce qu'il n'y a pas une usurpation de classe en se disant que des fois on veut vivre comme plus pauvre qu'on ne l'est réellement, comme plus. En tout cas, ils avaient réussi. Qu'on l'est réellement. Enfin, ils avaient réussi à acheter le truc juste parce que Ziad, tu vois, mais qui pour le coup vient du milieu squat et tout ça là. Et Marie, là, ils viennent d'ici là. Enfin, bref. C'est un certain énervement de ta part. Oui. un certain agacement sur cette histoire. Oui, ça m'a... Oui, oui, c'était hyper agaçant d'être là-bas. Enfin, moi, je... Non, mais... Juste, mais je me suis dit, putain, les types, ils font... Je trouve super agaçant si c'est... Vous faites chier, quoi, en fait. Vous avez... C'est quoi, c'est devenu une pub que le luxe, c'est d'avoir le temps. Je crois que c'est une pub pour une voiture ou pour un truc comme ça, non ? Ok, ouais. Donc, c'est un truc qui est super... véridique et évitant, quoi. Le luxe, c'est d'avoir le temps. De pouvoir glander, de pouvoir... Ouais. Et je crois que c'est une pub pour une voiture et tout, ça casse le moral quand tu vois ça. Ouais. Effectivement. Mais. Ok. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 et nous venons d'écouter Check Low, Daggy, et il était avec Flavia Coelho et Fixie à l'accordéon. Pour revenir sur cette histoire de lutte communale, le fait de sortir de la production de masse pousse à révolutionner le monde du travail. Quelques années après la Commune de Paris, Paul Lafargue va écrire un livre remarquable qui s'appelle Le Trot à la paresse. Il va ainsi foutre un coup de pied dans la fourmilière communiste, ou tout au moins dans l'iconographie mensongère de la gauche de l'époque, c'est-à-dire celle d'un travailleur, bon père de famille, qui ne tape pas sa femme, qui ne boit pas, qui est musclé et ne souhaite rien d'autre que consacrer 15 heures par jour à son métier. Comme l'explique Christine Ross, en décrivant la paresse absolue de la bourgeoisie, Lafargue se place dans l'opposition socialiste traditionnelle. Pourtant, son pamphlet, et c'est là sa force provocatrice, souligne la revendication par les travailleurs des privilèges réservés à la bourgeoisie. Loisirs, plaisirs, vie intellectuelle et leur abandon du monde du travail. Cela permet de pointer du doigt que le travail, comme il a été institué principalement dès le XIXe siècle, et donc le travail salarié, c'est une mythologie de la culture occidentale que la bourgeoisie va répandre partout en obligeant le monde entier à penser que la production dans son ensemble ne peut que passer par le salariat. On peut citer René Maran dans Batouala. Le travail ne pouvait donc l'effrayer. Seulement, dans la langue des Blancs, ce mot revêtait un sens étonnant. Il signifiait fatigue sans résultat immédiat ou tangible, souci, chagrin, douleur, usure de santé, poursuite de buts imaginaires. Et aussi Pierre Clastres, dans « La société contre l'État », pour Clastres, les économies de subsistance, l'expression est péjorative, où l'on travaille pour satisfaire ses besoins et non pour produire un surplus, devrait être appréhendée comme des sociétés qui refusent par principe tout excès inutile d'activité. Il y avait des jours où tous les hommes agissant lui paraissaient les jouets de délires grotesques. Il riait affreusement longtemps. Ainsi, le travail proprement dit n'apparaît qu'avec la constitution d'un excédent. Le travail est sur-travail, il a pour origine le travail aliéné. En l'absence d'appareil d'État et de surproduction, il n'existe pas de modèle du travail. Et de même, Christine Ross cite Nietzsche dans Aurore, sur sa critique de l'idéologie du travail. Les apologistes du travail, dans sa glorification du travail, dans les infatigables discours de la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et d'un intérêt général, la crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail, c'est-à-dire de cette dure activité du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend à entraver vigoureusement le développement de la raison, des convoitises, des envies d'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires. Il retire cette force à la réflexion, à la méditation, au rêve, au souci, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but limité et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse, durement, jouira d'une plus grande sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. Et voici, oh épouvante, que c'est justement le travailleur qui est devenu dangereux. Les individus dangereux fourmillent, et derrière eux, il y a le danger des dangers, l'individuum. Voilà, nous allons entendre une dernière interview de Denise que j'ai croisée à la cantine de Terrain d'Entente le mardi midi. Commencer par un prénom ou un surnom, comme tu veux. Oui, enfin, Denise. Denise, ouais. Ouais. Donc pour toi, ouais. Tu penses que ouais, du coup, il y aura toujours des riches et des pauvres. Voilà. Quand même, oui, ouais. Je pense. Oui, ouais. Qu'il y aura, voilà, oui. Mais c'est vrai que le luxe, c'est de pouvoir discuter de tout avec le plus grand nombre de personnes d'horizons différents, je veux dire. Et puis, c'est vrai de partager nos expériences, nos espoirs aussi. Donc, une vie idyllique, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de barrières à faire sauter, beaucoup de choses, il faut beaucoup discuter, voilà, oui. C'est pas quelque chose de matériel, forcément, non, le luxe. Non, c'est pas quelque chose de matériel, mais tout à fait, c'est pas du tout matériel. Parce que moi, le luxe, c'est déjà d'avoir la santé, et puis d'être encore, d'admirer les choses, d'être encore spectatrice, de voir ce qu'il y a de beau autour de nous, déjà. Rien que le ciel bleu, rien qu'un beau paysage, rien qu'une discussion... être avec ceux qu'on aime, puis voilà, oui, mais c'est vrai, c'est des choses toutes simples, le luxe, en fin de compte. Ouais. C'est des choses toutes simples, le luxe. Ah okay. Oui, c'est des choses toutes simples, c'est pas des repas gargantuesques, c'est pas des choses compliquées, c'est le luxe, c'est d'aimer la vie, et de, surtout ça, d'aimer la vie. Et c'est pour ça que moi, perso, j'aime la vie, parce que je suis quelqu'un de très simple. Quelqu'un de très simple. Mais par contre, ça cause des jalousies aussi. Ça peut... Parce que j'ai toujours la banane, toujours le sourire. Et pourtant, je ne suis pas fortunée, d'accord ? Ouais. Hein ? Autour de moi, donc ma famille, ils ont tous maison, tout ça. Et ils me critiquent beaucoup. Il y a la jalousie, ça génère de la jalousie, le bonheur simple. Ouais, ouais. Les gens simples qui savent apprécier. Ouais. Voilà, parce que les gens, c'est quoi ? Voiture, voilà, plein de choses, quoi, je veux dire. Moi, j'ai pas de voiture, je prends le car, et puis voilà, quoi. Ouais. Voilà. Oui, je suis quelqu'un de très simple, en fait. Ouais, très simple. Mais avec une idée quand même assez précise, ouais, de l'idée du partage. Enfin, mais moi, j'aime partager, justement. Du coup, par exemple, c'est des instants précieux pour moi, ces choses-là, là, justement. Du coup, on vient de manger à Terrain des Saveurs, là. Ouais. Et donc, c'est... pour toi, c'est peut-être ça, le luxe. Oui. Ou en tout cas, ce qui... Le luxe, ça serait quelque chose de précieux, peut-être. Ah, mais oui. Ouais. Voilà. Oui, quand je suis avec un de mes fils, qu'on regarde quelque chose, ou qu'on s'embrasse, qu'on se fait un câlin, je dis, tu vois, Tanguy, c'est des instants précieux, ça. Ce sont des instants précieux. Tu sais, voilà, c'est beau, quoi, je veux dire. Ouais, c'est les vraies valeurs. Les valeurs toutes simples, voilà. Ouais, c'est... Voilà, ouais. Ouais. Et moi, j'adore partager les choses comme ça, justement. Ouais. À Saint-Étienne, je trouve que peut-être... Enfin, on trouve peut-être plus ça que dans d'autres villes ou... Oui, quand même. Il y a une façon, en fait, de vivre simplement, mais va... On va à l'essentiel, en fin de compte. Ouais. C'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel, quoi. Et puis, c'est bien parce que ça lève des barrières, des a priori. Voilà. Quand je viens là, il n'y a pas d'a priori. Voilà, on se fait la bise, je leur fais la bise aux cuisinières pour leur faire voir que je suis contente. Puis je leur dis que c'est bon, tout ça. Ça valorise aussi. Parce qu'après, on ne sait pas le contexte de leur vie ou de moi quand je ferme la porte. On ne sait pas. Oui. Hein, tout à fait. Et oui. Et voilà. On est différents, en fait, mais on se retrouve sur ce petit moment commun. Tout à fait, mais c'est ça, oui. Parce qu'on appelle les vraies valeurs, voilà. Mmh. On ne regarde pas qui c'est, quelle couleur, quelle religion, les murs, ils tombent, voilà. C'est vrai, c'est beau, ça, justement. Un grand merci à toutes les personnes qui ont offert cette voix pour me faire partager leur réflexion un peu spontanée sur le moment, sur ce qu'elles pouvaient penser du luxe, de ce qui était précieux pour eux, pour elles. Pour finir un petit peu sur cette notion de luxe communal, je vois qu'il est un peu tard. Et donc, je vais juste vous lire un article du Monde, une tribune de Jean Pinard, qui est consultant et qui a écrit le 3 septembre dernier, un article qui me semblait assez intéressant, qui disait que la notion de surtourisme relève du mépris de classe. Dans une tribune au Monde, le consultant Jean Pinard estime que la critique de l'excès de fréquentation de certains sites touristiques devient caricaturale. Elle masque les vrais enjeux et ne sert qu'à stigmatiser les voyageurs issus des classes populaires qui n'ont pas les moyens de s'offrir des vacances dans des endroits plus éloignés ou moins équipés en dehors des congés scolaires. Hordes, troupeaux, nuées de criquets, les digues peuvent aussi céder quand il s'agit de qualifier une activité touristique qui aurait subitement versé dans l'excès. Il n'est désormais plus possible de parler de l'économie touristique sans faire référence au surtourisme. L'avènement récent du concept de surtourisme n'est qu'une forme contemporaine d'une tourismophobie qui consiste à mettre en exergue les quelques endroits de friction engendrés par des flux mal gérés, en minimisant ainsi de facto le bilan carbone de ceux qui voyagent à l'autre bout du monde. Le tour de passe-passe a consisté à braquer les projecteurs sur la masse. On allait ainsi montrer du doigt la famille qui partait 15 jours par an à la mer pour féliciter les aventuriers qui revenaient de leur éco-lodge au Costa Rica. On allait dénoncer ceux qui n'ont pas les choix de leurs vacances parce que leur entreprise ferme au mois d'août, pour applaudir ceux qui ont eu l'intelligence de ne pas encombrer les stations balnéaires de la côte du Languedoc en partant à Bali l'hiver. Le touriste de trop, devient donc ce prolo qui encombre les autoroutes tous les samedis d'été, celui qui, dès le premier rayon du soleil printanier, décide de faire visiter le Mont-Saint-Michel à ses enfants. Comme forme de mépris de classe, on ne fait pas pire. Alors oui, Il y a bien des phénomènes de surfréquentation dans certaines villes et sites très touristiques qui sont avant tout des problèmes de suroffre que les villes commencent à réguler. Le succès de la plateforme Airbnb a fortement contribué à déséquilibrer le marché du tourisme dans les villes alors qu'il participait dans le même temps à doper la fréquentation des espaces ruraux. Et que dire de l'offre aérienne low cost dont la croissance est continue et même subventionnée? Palma de Majorque, c'est 100 000 vols par an selon le prestataire de réclamation aérienne Flightrate, en moyenne 400 vols par jour en période estivale. Peut-on vraiment parler de surtourisme ou faut-il parler d'une totale irresponsabilité politique qui a conduit à provoquer trop de déséquilibre entre le visiteur et le visité en n'imposant aucune limite au trafic aérien? De là à faire le lien entre le surtourisme et le tourisme de masse, il n'y avait qu'un pas aisément franchi, au prétexte que les touristes passent leurs vacances dans les mêmes lieux au même moment. En août, Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales, accueille près de 100 000 personnes par semaine. Mais c'est bien la capacité de la station. Il n'y a aucun dépassement, aucune raison de pointer ce tourisme balnéaire comme une forme de tourisme dont on ne voudrait plus, sans proposer la moindre solution de rechange crédible. Désaisonnaliser, c'est demander à des gens de partir en vacances quand la mer est moins chaude et les jours moins longs, quand les enfants sont à l'école. Déconcentrer ou diffuser la fréquentation dans l'espace, c'est demander à des gens d'aller là où ce n'est pas aménagé, et c'est la pire des réponses. Reste enfin ce qui pourrait être une surfréquentation de quelques sites naturels. Là encore, il s'agit de faire attention au mépris de classe, en demandant à ceux qui n'auraient pas une bonne culture de la nature et de se satisfaire des bases de loisirs périurbaines, pour laisser ceux qui ont les codes de la pleine nature et les clés de leur van dernier cri pratiquer l'escalade dans les gorges du Verdon. Cette surmédiatisation du surtourisme est dangereuse, car elle remet en cause la démocratisation du tourisme. Partir en vacances, randonner en montagne, visiter le pont du Gard, c'est un usage du temps libre qu'il faut encourager, alors qu'on est en train de le dénoncer et de le ringardiser. Les vacances d'été seraient devenues trop banales? Ne soyons pas naïfs et portons un regard lucide sur ce rejet du tourisme. Il est assez facile d'expliquer comment les discours contre le tourisme sont liés aux idéologies politiques, tout particulièrement au populisme. L'anxiété culturelle repose sur la construction d'un danger pour les personnes et les lieux qui seraient menacés par l'arrivée de nombreux autres. Et puis, il y a aussi un autre regard, celui de l'anxiété économique, qui s'est construite autour de l'idée de gagnant et de perdant, un discours populiste de gauche qui oppose le peuple perdant aux élites gagnantes et qui fait écho un peu au peu de cas que nous faisons des invisibles de l'économie à qui nous ne donnons jamais la parole. Le tourisme est une proie facile pour les populistes dont l'obsession est de rejeter l'autre. Le surtourisme n'est finalement qu'un épiphénomène, un faux débat qui masque l'impérieuse nécessité d'accompagner l'usage du temps libre. Nous faisons preuve d'une très grande naïveté quant à la place prise par les divertissements numériques dans cet usage du temps libre, mais surtout sur ses conséquences dans la construction sociale des plus jeunes. Nous sommes bien démunis face à l'agressivité marketing des Netflix, Sony et autres acteurs de ce divertissement dont l'obsession est de vendre des abonnements pour isoler encore plus les gens et en les encourageant à ne plus sortir. Il est donc absolument regrettable de critiquer les classes populaires en les rendant responsables des déséquilibres de l'économie touristique. Alors qu'il faut au contraire les encourager à sortir de chez eux, à partager leur temps libre avec leurs enfants. L'enjeu du tourisme en France, ce n'est pas tant de savoir si nous sommes la première destination mondiale, mais de se donner les moyens de vendre plus de passerailles que de PlayStation. Voilà pour cet article. Il est temps pour moi de conclure et de vous dire merci d'avoir écouté cette émission. Vous étiez donc sur Radio Dio 89.5 Et la semaine, la quinzaine Rosa Luxembourg, la quinzaine Louise Michel continue. Et nous allons finir cette émission avec un morceau du blues de Khartoum, Hada El Kolaib. Yarki qalbi lik fi diyarki qalbi lik bedour bedour diyar ahli انتي اللي حكمتي عليا ناري شجاعي املي ظلم الحبايب شين ظلم الحبايب شين يا الريلة خلي ومظلوم وحات عينيكي قلبي الحزين طلي رد القلب جيبي ما سوي لك وسادة رد القلب جيبي ما سوي لك وسادة قريب المحيا ما توقي ليا زيادة قريب المحيا ما تكوسي ليا زيادة هواك زيادة شن جابني لك يا الريلة سويت هواك زيادة بالجسمة بالتلتنا والريدة قالوا إرادة بالجسمة بالتلتنا والريدة قالوا إرادة ما تقولوا جنة فلان نار الغرام وقادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة قريب المحيا ما توقي ليها زيادة قريب المحيا ما تبوسي ليا زيادة القمر دوري نور وجهه قديمة بطر القمر دوري في ضحكتك يا الريلة زغرات لايد زولين في ضحكتك يا الريلة زغرات لايد زولين شاش فرحان واسمع حنين يمكن القلب جيبي ما سوي ليك وسادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة قلبي بالوحيه سويت هواك زيادة عشان جابني لك الريلة سويت هواك زيادة القسمة بالتلت النار والريدة قالوا إرادة القسمة بالتلت النار والريدة قالوا إرادة مدولوا جنة في النار الغرام وقادة القريب جيبي ما سوي ليك وسادة القريب جيبي ما سوي ليك وسادة داري الجبال محية ما توكديها زيادة داري الجبال محية ما توكديها زيادة داري الجبال محية ما توصي بيها زيادة ما توصي بيها زيادة ليا زياده